bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 183.0. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Même si je suis retombé dans mes vieilles chaussettes cette semaine. Oh là là, je suis de retour à l'écoute de mes comédies romantiques asiatiques. Là, ces séries Netflix là, qui me font pleurer quand arrive la fin. J'ai écouté Cinderella Closet cette semaine. Ben, j'ai terminé d'écouter. C'est tellement cute. Dans cette série japonaise romantique et pleine de charme et de style, on suit Haruka, une jeune fille de la campagne qui débarque à Tokyo pour étudier. Puis elle est comme toute perdue. Elle est un peu maladroite aussi. Elle tombe en amour avec un collègue du travail. Mais bon, sa vie est un peu bizarre là, jusqu'au moment où elle fait la connaissance de Hikaru, un jeune homme au talent incroyable pour la mode et la beauté, qui lui s'habille en femme pour exprimer son style unique. En résumé, là, cette série-là, c'est comme un mélange de Cendrillon moderne, de leçons de style, où la vraie magie, c'est un peu la confiance en soi. Donc moi, j'ai adoré ça. Je l'écoute, et j'écoute majoritairement des séries sur Netflix, qui nomme, je pense que je vous l'ai déjà dit, là, Limited Series, je pense. Donc, je pense que c'est qu'il y a une fin de prévu dès le départ. Donc, tu écoutes tous les épisodes. Dans ce cas-là, c'était 16 épisodes, je pense, d'une heure. Puis, tu as tout, là, puis la fin est prévue. Donc, moi, j'adore ça. Pas de fin avec de suspense, là. Quand tu arrives à la fin, il y avait vraiment une vraie fin là, qui est souvent à mon goût et qui me fait souvent pleurer. Autre chose que j'ai fait cette semaine, j'ai dit bye-bye au jeu Cyberpunk que je venais juste de commencer, là, je vous l'ai dit dans l'autre Lobster. Je l'ai désinstallé puis j'ai réinstallé Kenji finalement. Cyberpunk, c'est bien, bien le fun, mais il y a des dialogues à un moment donné qui sont interminables puis qui t'obligent à faire ce que le jeu veut que tu fasses, là, même si c'est un monde ouvert. Puis, dans ces bouts-là, il y a un bout, c'est comme un interlude là, qui veut t'expliquer quelque chose là, d'important sur le jeu. Puis, mais tu peux pas passer ailleurs dans le jeu, tu peux passer en appuyant sur Y, je pense. Tu peux passer les dialogues, ça aide. Mais là, ce bout-là d'interlude, ça m'a comme découragé. Là. Je l'ai fait, là, mais ça a duré 20 à 30 minutes où je pouvais semi-jouer. J'étais obligé de suivre ce qu'il me montrait, là, mais ça m'a comme découragé, puis j'ai dit bye-bye au jeu, je l'ai désinstallé. Je suis de retour dans Kenshi. Cette fois, je vais essayer d'écrire la légende de Seth. C'est mon nouveau personnage. Cette fois, j'ai fait un squelette. J'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de manger, donc pas besoin d'acheter de la nourriture et de se ruiner. En jouant, j'ai vu qu'il était détesté par tout le monde. C'est comme une race, mais dans ce jeu-là, le jeu est très raciste. Puis, envers les squelettes, ça passe pas. Moi, donc, je ne peux pas aller dans toutes les villes acheter mes choses, acheter de l'équipement. Dès que j'approche, il me tire des insultes. Puis, il essaie de me taper dessus, évidemment. Donc, c'est déjà difficile. Je vous raconterai l'histoire de Seth ou sa légende dans un autre Lobster, si jamais ça donne de quoi de bon. Là, l'histoire s'écrit dans la misère, là, encore une fois. Sinon, il y a l'artiste là, Gims qui vient de sortir une nouvelle chanson. La chanson s'appelle Monica. Hier soir, j'étais dans mon lit quand j'ai vu qu'il avait sorti ça. Donc, on l'écoute. Parce que j'adore cet artiste, j'adore quasiment toutes ses chansons. Donc, on débute comme ça. Je vous souhaite un bon Lobster 183. Maximum. Sois pas choqué, je m'avance vers toi, je vais toucher ton épaule. Me dis pas non, juste quelques mots doux, puis j'oublie tes défauts, le temps d'un écho. Patience se consume. Oh non. Ma passion se consume, je vois toujours pas d'issue. Dis-moi oui ou non. J'ai trinqué à ta santé, j'ai posé, j'ai claqué, j'ai passé du temps. Ah, emmène-moi vers l'infini, Monica. Je te parle pas de Koh Samui, Monica. Chaque absence dure une décennie, Monica. Je t'aime comme pas permis, Monica. Ah, Monica. Ah, Monica. J'étais dans ma bulle, je pensais à faire de la thune. Je regardais ton doigt quand tu me montrais la lune. J'étais dans ma bulle, je pensais qu'à faire de la thune. Je regardais ton doigt quand tu me montrais la lune. Emmène-moi vers l'infini, Monica. La semaine prochaine, je pars 2 jours pour travailler à Lévis. Ça fait un bout de temps que j'ai pas été travailler à Lévis, là, Desjardins, pour plus qu'une journée. On transforme un peu notre façon de faire là, dans mon équipe de surveillance, puis je suis impliqué là, dans les discussions qui sont liées là, à cette transformation-là. Donc, je pars travailler 2 jours à Lévis. Là. On se fait comme des rencontres là, de discussions, de réflexions. Mais bon, déception, les dernières fois que j'allais à Lévis, je pouvais louer là, une chambre là, au genre de palais des congrès de Lévis pour profiter de la piscine extérieure, là, une piscine chauffée. Puis mon frère, là, il venait me rejoindre là, avec sa petite famille, puis on profitait là, de la piscine chauffée extérieure en hiver. Mais là, non, j'ai plus le droit de réserver cet hôtel. Il est plus dans les choix. Là. Desjardins me fournit une liste d'hôtels où je peux réserver. Je pense que le prix de leur chambre, il est rendu trop haut. J'ai regardé, là, c'est rendu quand même cher, 283 pour une chambre. Puis là, à la place, il faut que j'y aille à un autre endroit, mais c'est 128. Là. La différence, c'est quand même, c'est quasiment le double. Donc, je ne peux plus aller à cet endroit-là où c'est que la piscine est chauffée. Ouais, c'est ça. Puis chaque fois que je vais travailler à Lévis, je me rappelle toujours de cette histoire-là. Je pense que je vous l'ai déjà raconté là, dans un autre Lobster. C'était à l'époque où les Target fermaient. Puis après le travail, je m'étais rendu dans un de ces Target-là là, qui était sur le point de fermer. C'était la fermeture finale. Là, les Target quittaient le Québec. Puis je sais pas trop pourquoi. Là, je magasinais les deals de fermeture. Puis j'ai eu la bonne idée là, d'acheter une palette de peinture. Ça, c'est la peinture qu'ils utilisaient pour peinturer le Target. Fait que c'était des pots, des grosses chaudières de rouge. Mais il y avait d'autres choses. Il y avait du blanc. Il y avait des couleurs plus pâles aussi. Des beiges. Il y avait aussi des choses de vernis. Il me semble que la palette au complet m'avait coûté 50$. Là, pour, je ramassais tout ce qu'il y avait sur la palette. Là. Mais bon, moi j'étais à l'hôtel en hiver. Et tu peux pas laisser de la peinture au froid. Donc je me rappelle, j'avais appelé mon frère pour qu'il vienne m'aider. On avait tout amené chez lui. Plein de pots. Là. Oh là là, à la fin, mon père, c'est toute cette peinture-là s'est retrouvée au Saguenay. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir utiliser ça au chalet. Mais tu sais, les couleurs, c'était pas merveilleux pour un chalet. Là. Tu sais, du rouge Target. Non. Finalement, il y a plusieurs de ces chaudières-là de peinture qui ont terminé au recyclage, ben, au centre de récupération là, à Chicoutimi. Mon père a été les reporter. Fait que je pense pas que c'était un bon achat. C'était pas judicieux, en tout cas. Quand t'es à l'hôtel puis t'achètes une palette de peinture, en hiver, t'es mal pris. Donc, bon, cette semaine, je vais essayer de pas refaire ça. Il y a pas de magasins qui sont en train de fermer, donc ça devrait bien aller. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allé au cinéma. Oui, je suis allé voir un super bon film. Moi, j'ai un film que j'ai adoré. C'est un film québécois. On écoute la bande-annonce pour vous le laisser deviner. Bagarre à l'aréna. Voix de fée contre une policière. C'est un programme de réinsertion des femmes agressives parrainé par le Cercle de fermières de Waterloo. On a du fun en soda ici, là. Pas faire du tricot qui va me calmer les nerfs, certain. dirait que c'est juste les clubs féminins qui ont été sacrés dehors de l'aréna à cause des Napoléons. C'est moins populaire, les ligues de femmes. On va rassembler des femmes pour faire du roller derby. Ça va être ça, tes travaux communautaires, puis c'est moi qui vais vous coacher. C'est important de savoir tomber. On vous a trouvé une ligue. Dans un mois seulement, il y a des filles de Montréal qui viennent pour approuver notre candidature. Montréal, la ville? C'est quoi l'autre option, mettons? On serait jamais capable. Moi, je suis fier de vous autres. Puis je donnerais n'importe quoi pour être dans vos patins à soi. On remet notre casque. On repart se battre. Il faut que la ville soit derby. Faudrait qu'on se trouve un nom d'équipe. Je sais. Les girls. Moi. Ouais, je sais pas. On dirait qu'on est dans le fureur. Qu'est-ce que c'est que toi contre la fureur? Ouais, c'est... Je l'ai. Furie. Et oui, le film Les Furies, c'est tellement bon. La musique est bonne, l'histoire est bonne. France Cassel, là, qui joue l'entraîneuse des Furies, elle est bonne dans son rôle. Donc, le film est pas mal bon. Les filles aussi là, qui font du rollerblade sont belles et bonnes dans leur rôle. Bref, moi, j'ai adoré aller le voir. Je pense qu'il est sur sa fin, par exemple, au cinéma. Peut-être qu'il est déjà parti. Sinon, c'est pas mal ça pour moi cette semaine. Je vous mets aussi l'épisode 22 du Grenier Pop qui sort le 13 février à la radio. Je parle dedans des Jeux olympiques, mais plutôt des mascottes mal aimées ou des affaires bizarres qu'il y a eu dans les jeux. Je vous mets aussi une jolie pièce de musique que mon frère m'a envoyée cette semaine, guitare et piano, ça s'appelle Appreciati Mors Principium Est, un genre de chanson que j'aime la cause du piano, puis bon, c'est un peu pour ça que j'apprends le piano, là, pour jouer un jour sur un synthétiseur avec mon frère là, qui m'accompagne à la guitare, et peut-être mon garçon à l'alto électrique, ça ferait un bon mix, mais bon, moi je suis encore en train de pratiquer, 3 ans maintenant de cours, je suis pas mauvais, je commence à être pas mal, mes doigts bougent bien, j'apprends des chansons de plus en plus difficiles. En ce moment, la chanson que j'apprends est vraiment compliquée. Là, c'est une chanson du film Amélie Poulain qui semblait super simple. Mais mon prof m'a dit qu'elle la donne pas à tout le monde. Puis là, elle me l'a donné à faire. Puis c'est compliqué. Puis parce qu'il y a des notes à jouer entre deux notes. C'est des temps bizarres. Là, puis c'est dur à placer dans le cerveau. C'est vraiment de la pratique pour y arriver. Là. Puis une fois que j'ai eu réussi, ça m'a pris 3 semaines de maîtriser un bout, là, une partition qui était vraiment complexe. J'ai maîtrisé les mesures, puis là, la prof était contente. Elle a dit « Bon, t'as réussi », mais elle a dit « Je t'ai pas tout dit ». J'ai dit « Quoi ?» Elle dit « Il manque la pédale aussi, elle est désynchronisée ». Fait que la pédale, dans cette chanson-là, ne lève pas toujours au même moment. Souvent, c'est, la pédale lève à la mesure, mais dans cette chanson-là, elle lève... entre la mesure, mais elle ne lève pas toujours à la même place. Donc, tu peux même pas te dire qu'il y a un pattern. Et en tout cas, c'est compliqué. Bref, je suis en train d'apprendre ça, mais c'est le fun. Il y a toujours un défi. C'est ça. Puis c'est vraiment avec un professeur que je réussis à avancer. Tout seul, ça serait impossible. Le professeur, elle me donne les trucs pour y arriver. Quand elle voit que je réussis pas, ben, elle dit, ben là, justement pour la partition que je n'étais pas capable, elle me dit, ben là, le truc, c'est de le faire, tu le fais 4 fois. Tu fais les, disons, il y avait comme 16 bouts que je devais pratiquer. Puis là, elle dit, fais-les 4 fois chacun, puis après ça, laisse faire. Puis elle dit, reviens dans 1 heure, refais 4 fois chacun, puis en faisant ça, j'ai réussi à le maîtriser. Puis là, ben là, je suis en train de rentrer la pédale dans tout ça. Mais bon, puis le cerveau finit par s'habituer, je sais pas, hein, il fait des déclics, puis là, le bout que je trouvais difficile, maintenant, j'ai plus de misère, le cerveau, il l'a appris, puis il joue tout seul, c'est vraiment, c'est mystérieux. Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine, je vous mets aussi l'épisode 22 du Grenier Pop qui sort le 13 février à CIBL. Je parle dedans des Jeux olympiques, mais plutôt l'aspect mascotte mal aimée, mascotte bizarre. Je vous mets aussi une jolie pièce avant de terminer de musique que mon frère m'a envoyée cette semaine, guitare et piano, ça s'appelle Appreciati Mors Principium Est. C'est le genre de chanson que j'aime à cause du piano. Mais en fait, c'est un peu pour ça que j'apprends le piano, là, pour pouvoir jouer un jour sur un synthétiseur avec mon frère qui m'accompagnerait à la guitare. Et peut-être mon garçon à l'alto électrique, ça ferait un bon mix. Mais bon, il faut que je continue à pratiquer. Ça fait 3 ans, comme je disais. Puis bon, m'acheter un synthétiseur un jour, celui que je veux, c'est le Jupiter X de Roland. Il est encore 4 000$ plus taxes. Mais il y a l'intelligence artificielle dedans, là, un arpeggio. C'est comme un beat qui vient te suivre quand tu joues du piano, que tu peux activer, puis que tu peux désactiver au moment où que le beat est rendu bon et à ton goût. Puis ça sonne tellement bien quand il nous accompagne. Puis je veux aussi ce synthétiseur-là parce qu'il y a un vocodeur dedans qui est un très bon vocodeur là, pour la voix. Ben gars, écoutons un petit bout pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On écoute un petit extrait. Et c'est quoi le Roland Jupiter X? D'après ce que je lis, ça dit Roland Jupiter X synthétiseur numérique haut de gamme à 61 touches. Donc, c'est quasiment un clavier complet. Sur mon piano, j'ai 88 touches, là, il me semble, de mémoire. Ça dit quoi? Il est conçu pour combiner le son classique des synthés Roland des années 70 et 80 avec la puissance des technologies modernes. Au cœur du Jupiter X se trouve le système de synthèse Zencore, une technologie numérique qui recrée des classiques analogiques comme le Jupiter 8, le Juno 106 ou le SH-101. Donc tout ça, c'est des synthétiseurs classiques connus de Roland, là, qui ont permis de jouer plein de chansons bien connues. Puis de faire des nouveaux hits, donc moi aussi je veux avoir un synthétiseur super hot pour essayer de faire des belles chansons. C'est quoi que ça dit d'autre? Ça dit 61 touches, et il vient, ah oui c'est ça, il vient avec l'arpégiateur intelligent. Ça c'est l'affaire que je vous parlais, là, qui nous accompagne, c'est le eArpeggio qui peut générer des motifs d'accords. En gros c'est un assistant créatif, tu te mets à jouer, puis là il fait un beat qui t'accompagne, mais ce beat-là c'est l'intelligence artificielle qui le maintient, puis qui l'ajuste, puis quand tu as trouvé que ah, c'est ça que je veux avoir, ben là t'as comme un bouton pour dire arrête de penser, c'est ça, t'as trouvé ce qu'il fallait, on y va avec ça, puis là il continue à t'accompagner mais en restant comme dans le range que tu viens de lui dire, reste là-dedans là. Donc d'après moi c'est un gros monstre que je veux m'acheter, puis j'ai déjà un petit synthétiseur, mais c'est pas une station autonome, j'ai un Oxygène 9, mais c'est juste un clavier, un synthétiseur que tu branches, c'est un clavier en fait que tu branches, je pense que c'est mon frère qui me l'a prêté ou c'est celui que j'ai acheté chez Renaissance, je me souviens pas, mais il doit être branché dans un ordinateur. Tandis que le Roland Jupiter X, c'est une station complète, il a son propre ordi dedans, puis tu sélectionnes tes affaires. Voilà, mais c'est sûr que ce Jupiter X-là, je vais le brancher avec mon... j'ai un RC-505, c'est mon beatbox. C'est comme une boîte pour faire du beatbox, puis c'est plein de... C'est l'équivalent d'avoir plein de pédales, là, une machine à beatbox. Il y a toutes sortes d'effets là-dedans. Puis la mienne, elle a 5 entrées, 5 canaux d'enregistrement. Donc, on peut enregistrer ce qu'on joue en pesant juste sur un bouton. Puis là, on modifie avec les effets. On le fait jouer en loop. Puis là, on continue avec la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Puis on se bâtit une chanson. Fait qu'en branchant le synthétiseur là-dedans,